Dans le dépôt y'a du monde malgré qu'il ait l'air vide, désertique. J'ouvre le portail avec ma clé de service. Signe de la main au maître chien, je m'enfonce dans les virages. Des blocs à haute tension, une dernière clope sous la tour d'aiguillage. Les horaires sont sévères, c'est la contrainte. J'accélère, je suis les caténaires jusqu'à mon train. C'est le quotidien, tous les jours c'est repeat. Du côté de la clôture j'entends des pichés, des bruits de billes. Je les comprends, odeur de spray comme un vent de liberté. Ici tout est gris, un peu de couleur histoire de s'immerger. Je monte en cabine, mon deuxième salon. Vaut mieux être habile, une fausse manip et la journée s'allonge. Je suis dans ma cabine, mon cockpit, aux commandes d'un sous-marin mais sans les torpilles. En mouvement dans un monde temps vieux, dans mes habits, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux. Mon cockpit, aux commandes d'un sous-marin mais sans les torpilles. En mouvement dans un monde temps vieux, dans mes habits, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux. Dernier check, je me prépare pour le départ, je pose ma veste sur le siège, prends les manettes comme un petit garçon. Dans le froid on voit la brume devant les phares. 400 tonnes de fer, tu sens la force, rien qu'à la vibration. Je continue de vérifier chaque détail. Les premiers rayons du soleil qui se reflètent sur les rails, là je trace. Des cailloux, pas d'asphalte dans la motrice, tu comprends la puissance quand tu vois l'attelage. J'ai cette migraine qui revient depuis 3 mois. Crois-moi, c'est pas au Nurofen que ça se calmera. Je me reprends, je mets la main sur le cerclo et la ferraille avance. On voit un train sortir du dépôt. Je suis dans ma cabine, mon cockpit, aux commandes d'un sous-marin mais sans les torpilles. En mouvement dans un monde temps vieux, dans mes habits, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux. Mon cockpit, aux commandes d'un sous-marin mais sans les torpilles. En mouvement dans un monde temps vieux, dans mes habits, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux. Dans la motrice, un coup de klaxon, ça part. Lancé sur le tronçon, allons-y, fonçons. Unique passager en direction de la gare. Tablette de fonction, je roule avec du bon son. Ça fait taire les voix, les messes basses. Des fois je rêve que je freine pas, que je mets les voiles. Une grisaille viscérale, vie sociale misérable. Que des ratures et ça me rassure d'avoir à suivre des rails. Mon cockpit, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux. Mon cockpit, seul en cabine, c'est là que je me sens mieux.